Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le lundi 6 décembre 2021, nous sommes bien sûr en direct, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, c'est Chris, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne les rues Mirmont, Diana Kennedy, artiste-auteur, qui est là pour nous parler de sa carrière d'artiste-auteur et de tout ce qu'elle fait. Donc bonjour Diana. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci, oui. Parfait. Et aussi dans nos locaux, comme ce midi avec Lia, il y a Théo et Kylian. Bonjour. Voilà. Bonsoir. Donc du coup, Lia vous a un petit peu posé la question, mais du coup c'est à mon tour de poser la question. Pourquoi vous êtes tous les deux ici, du coup? Alors tout d'abord, merci. Bah, c'est pour montrer en fait à Kylian le métier d'animateur. Et puis aussi, ça lui fait une expérience de découvrir autre chose. Et puis du coup, moi je le forme en plus à la MJC Saint-Laurent à Épinal. D'accord. Pour devenir animateur et puis de proposer des émissions avec les jeunes de la MJC. Voilà. D'accord. Donc tu vas être du coup animateur radio plus tard? Exactement. D'accord. Donc si vous voulez participer pendant cette émission, si vous avez des questions, pourquoi pas poser à mon invité, vous pourrez du coup les poser sans problème. Pas de souci. Voilà. Donc du coup, Diana, nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Donc je suis artiste-auteur, je fais des bandes dessinées, des dessins animés, des livres de voyage parce que je suis aussi aventurière. J'ai déjà d'ailleurs passé ici sur l'antenne avec d'autres animatrices pour parler de mon grand voyage avec mon âne en Italie. Donc certains s'en souviendront peut-être encore. Bien sûr. Donc déjà avant de poursuivre, je préviens nos auditrices et auditeurs que vos cordes vocales ont été endommagées par eux. Certaines opérations pour traiter un cancer de la thyroïde. Exactement. Voilà. Donc voilà, je prie de m'excuser, mais parfois la voix peut partir soudainement et puis il y a toujours une espèce de grésillement, d'enraillement. Je fais de mon mieux pour être compréhensible, mais malheureusement ce sont les séquelles de cette maladie. Et puis voilà, je suis des cours d'orthophonie, mais voilà, c'est ça. Ouais. Bien sûr. Donc de toute façon, donc ne soyez pas surpris, nos auditrices le disent, ne soyez pas surpris si jamais il y a, par exemple, votre voix qui se coupe d'un coup, c'est à cause exactement. De... Exactement, voilà. Ça sera à cause de ça. Voilà. Voilà, donc du coup maintenant on va directement plonger dans l'émission. Donc comme annoncé à l'instant, vous êtes artiste-auteur. Donc quel a été votre parcours personnel pour en être là où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait peut-être des études d'art? Non, pas vraiment. En fait, j'ai toujours voulu faire des bandes dessinées et puis dès mon plus jeune âge. Et après, j'ai fait mon école, j'ai fait mon lycée en Suisse, en Suisse romande. Et très tôt, je suis partie d'abord en Allemagne. J'ai travaillé sur des fermes, des élevages de chevaux. J'ai toujours dessiné et puis je suis revenue en Suisse. J'ai fait des petits boulots comme ça et j'ai suivi quelques cours de perspective, d'anatomie et tout ça. Mais j'étais autodidacte. Et en 1988, j'ai pu publier mes premières BD chez un petit éditeur allemand. Et depuis, je suis auteur professionnel, voilà. Parce que vous êtes originaire de Bâle, en oui, Suisse. Exactement, oui. Voilà. Mais j'ai grandi en Suisse romande à Genève à partir de l'âge de 10 ans. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai appris le français, j'ai fait ma scolarité française, et puis voilà. D'accord. Et donc, nous ne l'avons pas dit, mais vous n'êtes pas que artiste-auteur, vous n'avez pas qu'écrit et illustré des livres, car vous avez aussi réalisé un court-métrage d'animation voilà. Qui a été primé, c'est mieux, primé, par un festival international. Donc, quel est le titre de ce court-métrage? Rixi, le premier épisode Falcone Uno. Donc, en fait, c'était prévu, et c'est toujours d'être une série de dessins animés. Donc, ce premier épisode dure 16 minutes. Et quand je l'ai terminé, je l'ai envoyé à divers festivals. Comme toujours, il y en a qui n'ont même pas répondu, d'autres qui ont dit, ça y est, on l'a retenu. Et puis, à un moment donné, le premier prix est tombé. C'était le Pinnacle Award, donc un prix décerné par un festival anglais. Et puis voilà, et puis après il y en a eu d'autres, donc pour l'instant j'en suis au 7e prix. Ouais. D'accord. Ouais. J'aurais jamais pensé que ça aurait ce succès-là. Bien sûr, parce que j'imagine que c'est quand même assez gratifiant d'être primé par un concours. Mais bien sûr, c'est énormément motivant et ça m'a extrêmement mis, encore rajouté à ce goût que j'avais depuis toujours de faire du dessin animé. C'est vraiment ma vocation, c'est vraiment, à côté de la BD bien entendu, mais c'est vraiment ce que je vais faire. C'est quelque chose de magnifique. Ouais. Bien sûr. D'ailleurs, le film lui-même a été présenté donc au cinéma de Bains-les-Bains en novembre à côté, et ça aussi, ça a été c'était grandiose, hein. C'était un truc dont je rêvais depuis toute petite, de voir mes films en salle, hein. Et c'est vraiment quelque chose, absolument, c'est une expérience unique. Comme quoi, il faut toujours croire en ses rêves, car rien n'est impossible du coup. Et donc, comment s'est passée cette aventure? Est-ce que c'est vous qui avez postulé entre guillemets pour participer à ce concours, à ce festival? En fait, il existe une plateforme numérique qui s'appelle Film Freeway. D'accord. Et là, tous les producteurs de films peuvent s'enregistrer. Ils téléchargent leurs œuvres et ils téléchargent tout, donc les posters, les scénarios, le film entier. Et après, on postule via un système à des centaines de festivals qu'il y a autour du monde. Ben, il faut bien choisir, hein, parce qu'il y a toujours une participation financière, c'est-à-dire qu'il y a un entry fee qu'il faut payer. Donc, il faut choisir un festival qui est quand même pertinent. Hein. Ça ne sert à rien de prendre quelque chose qui ne collerait pas. Et après, bon, ben, il suffit d'attendre, hein, le verdict du jury. Et voilà. D'accord. Et donc, ce court-métrage, de quoi il parle? Quel est le sujet? En fait, c'est l'histoire. C'est un science-fiction, en fait. D'accord. Science-fiction animalier. Et j'ai utilisé pour la première fois une technique mixte, parce que normalement, je fais des dessins animés 2D classiques, c'est-à-dire tout dessiné à la main, les décors, les personnages et tout. Là, honnêtement, ça me faisait un petit peu chier de redessiner toujours le même ovni. Bien sûr. Donc, j'ai essayé une technique mixte, c'est-à-dire que j'ai fait les décors en 3D. Et pour ça, j'ai dû apprendre la 3D, parce qu'avant, je ne savais pas du tout. Donc, il y a ce programme qui s'appelle Blender, qui est un logiciel de création d'objets 3D. Donc, j'ai appris ça à fond. Et j'ai fait tous les décors en 3D, et j'ai fait toujours les personnages en 2D dessinés. Et j'ai combiné les deux. Et ça donne un résultat quand même assez étonnant. Et je pense que c'est aussi peut-être un petit peu ça, ce côté innovateur qui a fait que les festivals ont aimé. Et puis voilà. Donc en fait, ça traite d'un chat, un jeune chat qui vient d'être majeur et qui veut s'acheter son premier vaisseau spatial. Donc il se l'achète chez son oncle et il part avec. Mais le problème, c'est qu'un petit malfrat aurait l'aimé acheter aussi. Et depuis, c'est le capitaine Riccio, c'est une espèce d'hérisson. Et depuis, ce hérisson, il est assez troussé. Et puis, il veut absolument s'emparer du Falcone Uno. Ça, c'est le nom du vaisseau spatial. D'accord. Voilà, donc ça commence comme ça. C'est le premier épisode de toute une série du char Rexy avec son Falcone Uno qui va vivre plein d'aventures. D'accord. Donc, justement, nous verrons un peu plus tard dans cette émission que le chat est un animal que vous aimez beaucoup travailler. Oui, c'est vrai. Donc, oui, on en parlera un petit peu plus tard. Oui. Mais donc, du coup, pour être primé à ce festival, quels ont été les différents critères de sélection? En fait, ils ont eu, en tout cas pour le Pinnacle, par exemple, ils ont eu 4 catégories, c'est-à-dire la narration, l'histoire, les voix et la musique et l'animation en soi. Donc c'est 5 catégories. Et dans toutes ces 5 catégories, on reçoit des points. D'accord. Et déjà, j'avais eu le maximum de points dans toutes les catégories, ce qui m'a fait que je suis entrée en finale. Et parmi les finalistes, voilà, après quand je suis déjà entrée dans la finale, je me suis dit, ça c'est déjà très très bien, je ne vais pas faire, parce que la concurrence c'était, je veux dire, les autres, ils étaient super bien aussi, donc je me suis dit, tu ne vas pas le faire, au moins tu es arrivée jusque là. Et ben non, ce coup-ci, ça, voilà, la chance était de mon côté, mm-hmm. Puis voilà. Donc ils priment ça. Et c'est bien, parce que comme ça, si jamais on a un déficit dans une de ces catégories, on peut aussi apprendre. Bien voilà, sûr. Voilà, c'est ça aussi qui... Mais voilà, en fait c'était ça. Oui. D'accord. Mm. Et donc, du coup, c'est dans ce court-métrage d'animation, je crois savoir, j'ai vu ça en préparant mes questions, qu'il y a du coup une version anglaise, une version française, oui, et une version allemande. Voilà. Donc, vous avez soumis la version anglaise. Oui, il faut. Pourquoi justement cette version anglaise plutôt que la française ou l'allemande? Parce que c'est demandé à tous les festivals. D'accord. Ils demandent, c'est vraiment le défaut, ils demandent soit une version anglaise, soit une version avec des sous-titres anglais. D'accord. Et comme je suis quand même encore beaucoup attachée et j'ai beaucoup de relations dans la sphère anglophone, je me suis dit tout de suite, tu vas faire une version anglaise, déjà pour pouvoir aller dans les festivals de films. Et peut-être, je ne pourrais pas l'affirmer avec certitude, mais il est fort possible que ça a aussi énormément aidé. Le fait que c'était quand même en anglais et pas avec des sous-titres, je ne sais pas, je pense que ça a aidé. Donc je le referai toujours, je pense que c'est une bonne idée. D'accord. Et donc justement, pour ces différentes versions, vu que j'imagine qu'il y avait différents également acteurs de voix. Oui, effectivement. Pour chaque version, il fallait trouver toute une équipe de voix. Et la difficulté, c'est aussi c'est qu'il n'y a que la première version, la version originale, où les acteurs peuvent parler vraiment librement. Et moi, ensuite, je fais l'animation. Après, il va falloir adapter. Bien sûr. Et ça devient très difficile. Bon, ils peuvent faire du doublage vraiment à vue, du doublage des lèvres, mais ça fonctionne pas toujours. Donc j'ai dû modifier parfois les animations un petit peu suivant, parce que surtout que l'anglais est beaucoup moins long que le français. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai dû retravailler tout simplement. Donc en fait, la version anglaise et la version française ne sont pas du tout tout à fait les mêmes versions, même au niveau visuel. D'accord. Ouais, parce que j'ai dû. Les grands studios ne le font pas. Le grand studio, eux, ils font faire une version dans l'autre langue où on fait tout de suite attention à ce que le ton ne dépasse pas. Oui, mais ça, c'est encore toute une. Ça, c'est un truc que je ne peux pas me permettre. Pour moi, c'est plus facile de retravailler le film. Et puis voilà. Ouais, ouais. D'accord. Donc, il est 14h12. Avant d'approfondir encore plus le sujet, je vous propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que vous avez choisie en amont et que nous écoutions Como en duo avec Vernation, ou Vernation, je ne sais pas comment ça se prononce. Vernation, ouais, ouais. Avec leur morceau Calm Before the Storm, que l'on pourrait traduire en français par Calme avant la tempête. Pour donner les quelques références, comme j'aime bien le faire, je l'avoue, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur ce morceau, si ce n'est que c'est un duo du coup entre Como et Vernation, et que ce morceau est sorti en 2020. Et c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé. Donc du coup, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, d'ici un peu moins de 4 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. And we gaze as we see the dark clouds coming close. It's the gray in our hearts that we fear most, and our ship is captured by the sea, and we drift forever. The calm before the storm, on the sides and leaving home. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes bien sûr toujours en direct, comme tous les jours, du lundi au jeudi. Il est 14h17 et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout en France. Vous venez d'écouter Como en duo avec Vernation avec leur morceau Come Before the Storm. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Diana Kennedy, de Théo et de Kylian. Donc Diana Kennedy qui est artiste-auteur, qui est là pour nous parler du coup de sa carrière d'artiste-auteur et de tout ce qu'elle fait. Est-ce que ça va toujours tous les trois? Ouais, très bien. Très bien. Parfait. Donc pendant cette pause musicale, Diana, il y a eu quelqu'un que vous connaissez qui a laissé un petit commentaire, Arnaud Fulin. Ah oui. Il me dit que vous êtes quelqu'un de très bien. Merci Arnaud. Voilà. Qui est à l'écoute actuellement. Voilà. Bonjour Arnaud. Et donc du coup, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau Come Before the Storm? Parce que je crois que tous les morceaux que nous allons écouter ont une grande importance pour vous. Oui, en effet, Come Before the Storm est sorti effectivement en 2020 et je l'ai découvert exactement à l'époque où j'ai eu mon diagnostic de cancer. Et cette chanson m'a accompagnée parce qu'elle décrit exactement la situation dans laquelle je me trouvais à cette époque-là, c'est-à-dire que ce regard vers l'arrière, de comprendre de ce qu'on perd, parce qu'on sait très bien que la vie ne va plus à jamais être comme avant. Cette incertitude de ce qui va être, de ce qui va venir, tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir une tempête. Et puis cette grande nostalgie, voilà, on repense aux belles moments, aux beaux moments qu'on a eu dans sa vie, et on fait un petit peu le point, quoi. C'est ça, ce diagnostic. Donc cette chanson m'a accompagnée avec sa tristesse et sa mélancolie. Et puis, bien sûr. Ouais. Et donc, du coup, mais on en discutait avant cette émission, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous êtes presque en rémission de ce cancer. Oui. En effet, maintenant, j'ai passé toute cette année à soigner, donc j'ai eu deux opérations, j'ai eu une cure de radioactivité, donc j'ai dû avaler une pilule radioactive. D'accord. Et puis, maintenant, je viens de refaire des examens, donc j'ai pas encore tous les résultats, il manque un résultat important, mais tous les autres résultats que j'ai reçus, on a passé aussi en revue avec mon endocrinologue, c'est que c'est quand même, ça a vachement diminué, donc c'est bon. Bon, de toute façon, la thyroïde est partie, hein. Je pense que je serai bientôt en rémission, et puis de toute façon, le cancer de la thyroïde se soigne relativement bien, je dis relatif. Bon, ça reste un cancer, mais il y a pire. Donc je pense que je peux repartir, je vais repartir, mais c'est clair qu'il y a encore un long chemin à faire. La rémission même, elle est longue, et puis voilà, ça reste une grande fracture dans la vie, ça c'est certain. Bien sûr, voilà. J'imagine. Donc du coup, nous allons reprendre le cours de cette émission. Donc en faisant mes recherches, en préparant cette émission, notamment grâce aux différents articles de presse que vous m'avez envoyés en amont, j'ai appris que votre objectif ensuite était de vous préparer pour le chemin des papillons, c'était le 1er août dernier, il me semble, au prieuré de Maraste. Est-ce que vous pouvez nous parler de... Oui, en fait, ça c'était cette année-là. Hein. D'accord. Ça c'est le chemin des papillons, c'est comme ça que j'ai appelé mes projets de randonnée avec mon âne pour l'année 2021, parce que justement je savais pas trop ce que je pouvais faire et ce que je pouvais pas faire vu de ma maladie et aussi vu de la pandémie. Donc je suis partie un petit peu comme ça, j'ai fait mes projets en dernière minute, un petit peu comme les volatiles, comme les papillons. C'est pour ça que j'ai appelé ça les chemins des papillons, et en même temps parce que le papillon est le symbole de la thyroïde. D'accord. J'ai d'ailleurs récolté un petit peu des dons pour la Ligue contre le cancer, voilà, donc c'était tout ça. Et je suis allée d'abord avec mon âne à Fontenoy-la-Joûte pour le festival de la bande dessinée qu'il y avait là. Et par la suite, je voulais descendre au prieuré de Maraste où était prévu un autre festival de livres. Le problème est que ce festival-là n'a pas eu lieu. Parce que l'organisation à cette époque ne voulait pas contrôler les passes sanitaires. Ça venait juste d'être instauré, en fait, ça. D'accord. Donc, sur un coup de tête, elle a annulé tout. Puis bon, moi, je suis rentrée avec un ami qui nous a embarqués dans son van, moi et mon âne, et puis nous sommes rentrés. Et bon, c'était ça le chemin de les papillons. C'est volatile, ça se décide d'un coup, d'un autre. Donc, en fait, ça a bien mérité son nom. J'ai fait mon petit voyage. C'était d'ailleurs juste après ma deuxième opération. Et puis voilà, ça reste quand même un très beau souvenir. J'ai, j'ai fait un très très beau chemin jusqu'à, et j'ai aussi pu refaire un petit peu des plans, parce que cet ami qui m'a ramené dans son von, il est meneur d'attelage depuis toujours, hein. Donc dans sa jeunesse il a fait à cheval, il est allé jusqu'au Moyen-Orient avec son cheval, et après il est aussi il mène des attelages, il fait des stages d'attelage et tout, et on en a parlé parce que moi dans l'avenir je préférerais peut-être partir justement avec un attelage au lieu à pied. D'accord. Ce sera plus adapté. Donc là, j'ai un petit peu rencontré aussi un petit peu mon avenir, je pense, pour mes nouveaux projets. De changer de la marche à pied en attelage. Voilà. D'accord. La marche à pied qui a une grande importance dans votre vie, oui, on en parlera un peu plus tard dans cette émission. Voilà. Et donc, vous êtes venu il y a quelques temps, il y a même quelques années, je dirais, oui, avec oui. Lou, une de nos anciennes animatrices à Radio Guimauze, voilà. Pour parler de votre uchronie intitulée Riverboat. Riverboat. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une uchronie ? Alors, une uchronie, c'est un petit peu comme une science-fiction, sauf que ça se passe dans le passé. On réécrit un petit peu dans le passé. Très souvent, ça part du « et si ». Donc, par exemple, il y a beaucoup d'uchronies qui partent du principe « et si Hitler avait gagné la guerre mm-hmm. ?» ou « si Christophe Colomb n'aurait jamais découvert l'Amérique ?» ou des trucs comme ça. Moi, c'est un petit peu ça, mais le côté uchronique, le côté « et si tel et tel » se perd un petit peu. En fait, c'est juste, mon côté à moi, c'est comment est-ce que le monde serait si l'Antiquité avait directement évolué vers les temps modernes, sans passer par le Moyen-Âge et tout, les restrictions religieuses et tout ça. Donc si ça avait gardé cet esprit un petit peu plus ouvert, plus diversifié de l'Antiquité, pour passer directement au 19e siècle. Et donc il y a les personnages donc, historiques, John F. Kennedy et Aldo Moro, mmh. qui vivent dans ce monde-là. Dans ce monde uchronique, et puis qui vivent donc dans un univers qui est un mélange entre le 19e siècle, peut-être le début du 20e siècle, avec même quelques petites pépites des années 70 du 20e siècle. Donc c'est un petit peu ça, et ça me permet de décrire beaucoup de petites vérités historiques tout en pouvant évoluer librement dans un monde quand même qui reste un monde fantastique. D'accord. Et donc justement, pourquoi avoir eu envie de créer une uchronie ? Quelle a été la motivation principale ? Ben justement, cette liberté-là. D'accord. Et puis aussi, à la base, il y avait une citation de John F. Kennedy qui lui disait « Si je pouvais refaire ma vie dans un autre univers, justement, il parlait de ça, ce serait avec une autre religion, un autre père, une autre femme ». Voilà, donc je me suis dit bon bah tiens bah, écoute je vais te donner ça quoi. Alors mais moi je lui ai pas donné une autre femme, je lui ai donné plusieurs femmes. Voilà, donc c'est un monde très libertin, c'est un monde qui n'a pas les restrictions que nous avons, mais il a d'autres restrictions, ils ont d'autres problèmes, voilà. D'accord. Et donc justement cette série, cette uchronie Riverboat, elle est du coup consacrée à Aldo Moro et à John F. Voilà. Kennedy, donc qui sont d'ailleurs très bien représentés dans les illustrations de oui. dessin, je trouve. Donc respectivement du coup pour Aldo Moro, ancien président du Conseil des ministres d'Italie, voilà. Et pour Kennedy, donc John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis. Voilà. Oui, oui. Donc justement, pourquoi avoir fait le choix de ces deux personnalités historiques ? Parce que ce sont deux personnalités qui m'ont énormément marqué. D'ailleurs, d'accord. Pour Aldo Moro, c'est pour lui que j'avais fait le grand voyage avec mon âne en Italie. Je suis allée voir la tombe et par la suite la ville natale qui est Malié. Et donc c'est pour lui, donc il faut un attachement pour pouvoir faire ce voyage qui a quand même duré 7 mois et presque 3000 kilomètres. Donc si on n'a pas une motivation extrêmement forte, on ne le ferait pas. Mm-hmm. Donc il faut un Aldo Moro pour ça. Et puis voilà, bon, c'est aussi deux personnages qui vont très bien ensemble. Ils se sont connus en réalité en fait. D'accord. Ils se sont effectivement connus. Et qui ont beaucoup de similitudes entre eux, c'est-à-dire dont les deux avaient un côté visionnaire et un côté, je dirais quand même conservateur aussi, hein, et qui essayait de marier un petit peu ces deux aspects-là, qui étaient peut-être bon, qu'ils avaient aussi un petit peu le même âge. Aldo avait une année de plus que John F. Et puis qui étaient tous les deux énormément conscients du fait qu'ils vivaient dans un monde où la société était en train de changer profondément. Et ils faisaient partie des gens qui, au lieu d'essayer de freiner ça, ils essayaient d'accompagner, ils essayaient de comprendre ces changements, même si parfois ça les dépassait aussi. Ça, il faut bien le dire. Mais quand même, ils essayaient de vivre ce changement. Et ça, moi, ça me passionne parce que je pense qu'il y a rarement eu dans l'histoire une période qui posait une génération devant un défi aussi grand que ce changement de société, que c'est justement cette génération née entre 1913 et 1920, à peu près ça. Et donc voilà, bon bah, ils vont bien ensemble et puis ils font d'excellents personnages de bande dessinée. Et surtout en parlant de points communs, ils ont également un autre triste point commun. Ils se sont tous les deux fait assassiner. Et ils se sont tous les deux fait assassiner dans des conditions absolument horribles. Voilà. Effectivement, ça aussi, ça les. D'ailleurs, Aldo Moro a vécu donc la mort de John F. Kennedy et il l'avait rencontré encore peu avant. D'accord. Donc lui, il était le premier en fait à avoir signé le livre de condoléances de tous les hommes d'État à l'époque et il a été énormément marqué. D'ailleurs, depuis, beaucoup de gens le disent, j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'ont connu, hein, Aldo Moro, donc lors de mon voyage, et ils m'ont tous dit, depuis ce moment-là, il n'était plus le même. Hein. C'était vraiment c'était quelque chose qui l'avait énormément marqué. Ouais. Bien sûr. Ouais. Et donc justement, quand nous feuilletons vos différents ouvrages, on en a d'ailleurs quelques exemplaires encore la radio que vous nous avez gentiment donné quand vous étiez venu avec Lou. D'ailleurs, ces ouvrages qui ne sont pas très longs, ils font une centaine de pages à peu près, nous remarquons directement quelque chose, les dessins. Donc contrairement à une BD classique, vos illustrations sont des dessins presque, j'oserais dire, des croquis. Oui. Donc j'imagine que c'est un choix de votre part. Pourquoi ? À l'époque, avant, donc j'ai commencé à faire la bande dessinée classique avec un trait noir normal classique, comme tout le monde, hein, parce que de toute façon déjà à l'époque ça se faisait comme ça, puis c'était comme ça. Et plus tard, surtout quand quand je me suis préparée pour mon grand voyage, je ne pouvais pas emmener tous les petits flacons d'encre et tout ça et les plumes, c'était pas possible, c'était trop lourd, il fallait gérer chaque kilo, voilà, pour c'est l'âne qu'il portait. Donc j'ai changé de technique, en fait je n'ai fait plus que des crayonnés que j'ai coloriés à l'aquarelle. Et ça faisait un effet très éthéré, justement presque croquis. Et après mon retour, je suis restée sur ça. Parce que ça se prêtait effectivement très très bien pour dessiner sous la tente, où on avait très peu de place, de moyens et tout ça. Mais après, bon, j'ai un petit peu, je me suis quand même remis à faire plus de détails et à faire des contours avec des crayons de couleur pour que ça fasse quand même un petit peu plus solide, quoi. Mais ça reste cet effet d'aquarelle, de BD aquarelle, en fait. Et ça me permet de ne ressortir que ce qui est important et de ne pas faire vraiment chaque détail, de faire des chouettes effets de profondeur aussi, parce que voilà, on fait le fond avec justement la peinture aquarelle, que les nuances de couleurs, et on ne fait que les personnages qui ressortent bien et que les éléments du décor qui sont importants. Et finalement, ça fait quelque chose qui a d'ailleurs, les gens aiment beaucoup. Donc voilà, c'est devenu presque un petit peu mon signal de marque et je pense que je vais rester avec ça. D'ailleurs, comme ça, je peux repartir en voyage à tout temps et continuer à travailler comme si rien n'était. D'accord, oui, c'est un peu votre signature. Voilà, exactement, exactement. D'accord. Oui. Donc du coup, il est 14h30, donc avant de poursuivre cette émission, je vous propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale que vous avez choisie une nouvelle fois, et que nous écoutions cette fois-ci le célèbre chanteur Leonard Cohen, dont on salue la mémoire, avec son célèbre titre Suzanne, sûrement son titre le plus connu, le plus célèbre. Voilà, oui. Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, ce titre est plutôt typé folk, il est sorti en 1968, et est tiré de l'album Songs of Leonard Cohen, album sorti le mercredi 27 décembre 1967. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cet album marque le début de la carrière musicale de Leonard Cohen, pardon, à l'âge de 34 ans, alors que celui-ci était déjà connu depuis plus de 10 ans pour ses poèmes. Voilà. Voilà. Donc, on écoute ce célèbre titre de Leonard Cohen. Si le titre ne vous dit rien, quand vous l'entendrez, vous direz « Ah bah oui, bien sûr, je connais ». Donc, on écoute Suzanne de Leonard Cohen et on se retrouve juste après, d'ici un peu moins de 4 minutes, une nouvelle fois. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that

trône avec mon âne, effectivement. Et puis je portais certains habits que j'avais achetés justement, enfin voilà, à la friperie, donc qui était tenu justement par l'armée du salut. Donc il y avait énormément de points qui étaient réalisés. Je me suis dit, bah, tiens, c'est vraiment l'hymne de ma vie. Donc voilà, donc elle résonnera, je serai là. Et puis oui. Ah, c'est une chanson qui vous accompagne tout voilà, le temps. Voilà, exactement, exactement. C'est d'ailleurs le titre qu'il faudra jouer quoi, lors de ma sépulture. D'accord. Ouais. Bah, le plus tard possible, on espère. Bah, j'espère aussi, hein, mais bon. Et donc, est-ce que pour votre voyage, il y a une rencontre qui vous a plus marqué qu'une autre? Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont marqué pour votre voyage en Italie? En Italie, tous m'ont marqué, absolument tous. C'est très dur de sortir une, mais effectivement, la rencontre qui était la plus marquante, c'était l'ami d'enfance de Aldo Moro, qui m'a hébergé chez lui, d'ailleurs, qui habite justement à Torrita Tiberina, là où est enterré Aldo Moro. Donc, ils habitent toujours là et ils ont d'ailleurs une petite pension et c'est là que j'ai séjourné. Et Aldo Moro avait été son témoin de mariage de lui et sa femme, Antonio, il s'appelle. Et le jour où j'étais là, Antonio donc fêtait les 40 ans de son mariage avec sa femme. Et il me disait, c'est quand même fou, il y a 40 ans, Aldo était notre témoin de mariage. Maintenant, il ne peut pas être là, mais toi, tu es venu. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'effectivement, j'étais exactement au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est quand même quelque chose de très, très, très fort. Et après, j'ai eu beaucoup d'entretiens très, très forts avec Antonio, avec ce monsieur. Et je pense que c'était peut-être c'était la période la plus forte de tout le voyage. D'accord. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui. Du coup, je vais vous donner maintenant un nom qui a eu une certaine importance pour vous dans votre vie. Et vous allez me dire qui est cette personne. Voilà. Est-ce que ça vous va ce petit principe? Pardon. Est-ce que ça vous va ce petit principe de? Oui, d'accord. Oui, oui. Donc, si je vous donne le nom de Jean-Marc Delage. Delage, voilà. Delage, oui, pardon. Oui. Ok. Qui est-ce? Eh bien, c'est aussi un ami d'enfance, enfance, adolescent, je dirais. On s'est connus. Lui, il faisait un fanzine qui s'appelait Évasion temporelle. Mais lui, il habitait en France et moi, non plus à Genève. Moi, j'habitais déjà en Suisse, alémanique. Et il faisait ce fanzine, c'était à l'époque avant qu'il y avait les ordinateurs et avant qu'il y avait l'Internet, hein, c'était dans les années 80. Et moi, je participais à ce fanzine, donc on faisait ça ensemble avec d'autres copains. Et finalement, on s'est jamais vraiment perdu de vue, enfin, parfois des années, pas du tout, mais ensuite on s'est retrouvés. Et quand j'ai voulu faire des histoires avec mon chat Georgie, avec mon personnage, je me suis dit, bon, écoute, t'es peut-être pas trop bien pour créer des histoires vraiment pour les enfants, t'es plutôt bien dans les uchronies à John F. Kennedy, Aldo Moro, tout ça, mais Jean-Marc Delage, lui, il l'est. Alors, je lui ai demandé s'il pouvait peut-être me faire des scénarios pour Georgie, parce que de son côté, lui aussi, il a évolué, il a fait beaucoup de choses, il était devenu animateur de radio aussi, d'ailleurs, journaliste. Radio balistique, je crois que ça s'appelle, là où il travaille. Et voilà, il me l'a fait, et il a fait ses histoires, et on a sorti ensemble le premier album de Georgie en 2000, c'était pour Noël 2019, oui, je crois, oui. Pas sûr, ouais, je crois que c'est ça. Et effectivement, c'est l'album qui a eu le plus de succès de tout. De tous les titres que j'ai jamais sortis. Effectivement, ça, il faut le dire. Ouais. D'accord, donc une création du coup intitulée, comme vous le dites, Georgie, un si gentil petit chat. Exactement. Si gentil chaton. Voilà. Oui, petit chat ou chaton. Oui, petit... voilà, ouais. D'accord. Voilà, oui. Et donc, justement, comme on le disait un peu plus tôt dans cette émission, vous aimez beaucoup travailler avec les animaux et avec les chats en particulier. Oui. Donc, est-ce que vous vous inspirez de vos animaux de compagnie à vous pour... Georgie a vraiment vécu, et Rixi aussi. D'accord. Georgie était un petit chat noir qui était vraiment l'éternel chaton, en fait, parce qu'il jouait toujours, même quand il avait déjà 10 ans. D'ailleurs, c'est en jouant que, du coup, quand il avait 10 ans, il est mort sur le coup avec une crise cardiaque, malheureusement. Hein, ouais. Mais il continue à vivre en tant que personnage. Et Rexy était un petit château que j'avais recueilli, qu'il était sur la rue à Bain-les-Bains. Il était très malade, j'ai essayé de le soigner avec l'aide du vétérinaire, mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à le sauver. Alors là aussi, je me suis dit, et s'il était devenu un véritable jeune homme, un jeune chat? Et voilà, je lui fais vivre comme ça des aventures dans un monde de science-fiction. Voilà. Donc les deux chats, en fait, ont eu des inspirations, des muses qui ont vraiment vécu. D'accord, donc vous continuez du coup à les faire vivre à travers vos voilà, histoires. Exactement, voilà. Oui, oui. Okay. C'est pour leur rendre un certain hommage quelque part. Oui, en fait, oui, exactement. Voilà. Ils ont aussi un petit peu ils ont le caractère hein, qu'ils avaient. Georgie qui était vraiment toujours gentil, qui n'a jamais eu pendant toute sa vie la moindre agression contre qui que ce soit, que ce soit un autre chat ou un être humain, absolument rien. Donc voilà, c'est vraiment le prototype de l'être bienveillant. Et Rexy, voilà, qui aurait aimé de devenir un pionnier qui, voilà, mais qui ne l'a pas fait, et puis voilà, qui le fait comme ça. Voilà. D'accord. Et donc, vous l'avez dit un peu plus tôt, du coup, dans cette émission, vous êtes déjà allé, du coup, en Italie. Et du coup, avec votre âne gamin. Oui. Voilà. Oui. Mais cette promenade, vous l'avez fait à pied. Oui, oui. Donc, est-ce que c'est important pour vous de vous rendre dans les pays de vos personnages, comme ici, par exemple, de Aldo Moro à pied? Absolument, parce que pour Aldo Moro, donc j'aurais pu en fait, moi je connaissais l'Italie avant, hein, c'est pas ça, hein, nous sommes très très souvent allés en Italie, mais là au début je me suis dit, bon bah tu peux aller visiter la ville natale d'Aldo Moro, comme ça en prenant le train, en prenant l'avion, mais ce serait pas du tout la même chose, absolument pas, je voulais faire une immersion totale, et ça on ne le fait que justement en voyageant comme ça, à pied, en partant depuis chez moi. Moi, je suis partie ensuite d'Ardèche parce que c'est là que j'ai acheté un gamin. Et en ayant un animal de bas, comme ça, une sorte de compagnie. Et comme ça, on a vécu, on a voyagé dans notre propre réalité en tant que voyageur issu d'un autre siècle. Et on a pu vraiment rencontrer les gens. D'ailleurs, au début, avant de partir, j'ai commencé à apprendre l'italien. Et quand je suis arrivée à Malié, en fait, je pensais en italien, je rêvais en italien, et je savais très bien que si je retournais pas en France maintenant, je deviendrais presque italienne. Donc c'était vraiment une immersion, c'était une transformation. Et de cette manière, j'ai pu rencontrer les amis, la famille d'Aldo Moro, et tous les gens qui l'ont connu, de manière tellement intensive et tellement forte, que voilà, ça m'a changé en profondeur. Et d'accord. C'est ça que j'aspirais. Je voulais vraiment partir à la recherche de ce personnage. Et j'ai réussi. Et puis c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. Bien sûr. Donc c'est une sorte de, quelque part, de vous, un moyen de vous rapprocher de votre personnage. Voilà, exactement. Exactement, oui. Alors pour John F. Kennedy, c'est plus difficile parce que mon âme n'aime pas nager. Donc s'il faudrait aller nager aux USA, ce serait un petit peu plus... même en Irlande, ce serait un petit peu plus difficile. Là, oui. Bien sûr. Oui. Et donc, du coup, j'imagine que c'est une véritable aventure humaine, non seulement avec vous-même, mais aussi avec toutes les personnes que vous rencontrez en chemin. Exactement, exactement, oui, oui. Parce qu'effectivement, j'ai fait de belles rencontres qui auraient été inimaginables si j'avais fait ce voyage autrement. Et tout au long de 7 mois, on fait vraiment des rencontres absolument inoubliables. D'ailleurs, avec beaucoup de gens, je suis toujours en contact sur Facebook et tout. J'ai suivi leur parcours, ils ont suivi le mien. Donc, est née vraiment une chose très durable, très profonde. Est-ce qu'on pourrait appeler ça un pèlerinage, du coup? Oui, je l'ai appelé comme ça, moi. D'accord. J'ai appelé ça le pèlerinage Aldo Moro. Et en Italie, j'ai toujours dit, je fais faccio un pèlerinaggio per Aldo Moro. Et ils m'ont appelé pellegrina, donc la pèlerine. Et c'était tout à fait accepté, c'était tout à fait vu comme ça, comme une quête spirituelle. C'était, voilà. Et justement, le maire de Malié, donc en Italie, donc Ernesto Thomas. Voilà, oui. Je crois savoir qu'il a proposé un jumelage avec Arso. Exactement. Voilà, suite à ça, il avait proposé le jumelage avec Arso, donc le village où j'habite. Malheureusement, ça s'est pas fait de notre côté. Ils ont pas dit non non plus, mais ils l'ont tout simplement pas fait. Et c'est très très dommage. Et il y avait eu beaucoup beaucoup de gens qui ont essayé d'aider, entre autres Roger Winterhalter, qui je crois qui était l'ancien maire de Mulhouse. Donc il y avait beaucoup d'autres mère qui essayait de pousser, qui trouvait que c'était une excellente idée, mais malheureusement, ils avaient trop peur. Ils disaient, ah oui, mais Malié, c'est une ville à 15 000 habitants, nous, on est 400. Et j'ai dit, mais Malié le sait. Ils savent très bien, mais on pourrait quand même faire quelque chose, hein, je veux dire. Ben, malheureusement, non. Donc, voilà. Moi, je me suis dit, j'ai fait ma part. Et après, les choses évoluent comme ils évoluent. Voilà. Ouais. Et donc, justement, donc, votre nom, donc, c'est Diana Kennedy. Est-ce que, du coup, c'est en rapport avec John F. Kennedy? Non, ça ne l'est pas en rapport avec John F. Kennedy, non. Non, d'accord. Non, non. Même si le personnage me parle beaucoup, voilà. Bien ouais, sûr. Ouais, bien sûr, ouais. Mais je ne suis pas parenté, voilà, pour dire ça. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Mais, je ne sais pas si c'est peut-être un nom de plume que vous avez choisi. Non, enfin, oui et non, c'est un petit peu difficile. Je préfère ne pas approfondir le sujet. Ouais. Pas de souci. Oui. Pas de souci. Oui. Donc il est 14h, presque 47. Nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission. Mais avant de conclure, je vous propose de nous lancer directement dans une troisième et dernière fréquence musicale de votre choix une nouvelle fois. Et que nous écoutions la célèbre chanteuse Bonnie Tyler et sa voix si reconnaissable avec son morceau Call Me Thunder. C'est d'ailleurs un morceau qui signe son retour sur scène, je crois. Oui, oui. Voilà. Vous verrez qu'elle a toujours la même voix qu'il y a 10, 20 ans. Ça n'a pas changé. Donc une nouvelle fois, comme pour les deux premières fréquences musicales, au niveau des quelques références, ce morceau est tout récent, justement, comme on le disait, car il est sorti cette année, en 2021, et il est tiré de l'album The Best Is Yet To Come de Bonnie Tyler, album sorti le vendredi 21 février de cette année, du coup. Il s'agit du 18e album studio de Bonnie Tyler. Oui, le 18e. Donc, on écoute cette musique et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission déjà. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo. Et du coup, voilà pour ce nouveau petit son de Bonnie Tyler. Comme je le disais, sa voix est toujours très reconnaissable. Donc c'était Call Me Thunder, donc Appelle-moi Tempête, je crois, de Bonnie Tyler sur Radio Guémozo, du coup. Sa voix, d'ailleurs, me donnera toujours des frissons, je l'avoue, parce que même si c'est pas trop ma génération... Voilà, j'enlève le masque, c'est un peu gênant. Mais c'est pas trop ma génération, ça reste quand même Bonnie Tyler. Tout le monde connaît Bonnie Tyler. Donc voilà, vous êtes du coup de retour. Il est 14h52 et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement, où vous êtes habitué sur notre application mobile et web Orange Radio, aussi sur notre site internet. Et donc nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Diana Kennedy, artiste-auteur, ainsi que de Théo et de Kylian, voilà, qui sont là pour découvrir. Et du coup, Diana Kennedy qui est artiste-auteur. Tout est toujours bon? Oui, très bien. Parfait. Et donc, même question que pour les deux précédentes fréquences musicales. Vous êtes habituée désormais, Diana. Pourquoi avoir choisi ce morceau de Bonnie Tyler? Eh bien, bon, tout d'abord, j'ai évidemment grandi avec Bonnie Tyler. Contrairement à vous, c'était ma génération. Et puis, là, j'ai choisi ce titre parce que, voilà, il symbolise exactement ce qui se passe pour l'instant pour moi, c'est-à-dire le retour sur scène. Je suis en train de surmonter le cancer. Je serai sans doute bientôt en rémission. En tout cas, on l'espère. Les derniers examens ont été assez encourageants. Donc, pour moi, cette chanson symbolise vraiment la volonté de vouloir retourner, de revenir et de revenir beaucoup plus fort qu'avant. C'est un peu la suite de la chanson Call Me Before the Storm, maintenant Call Me Thunder. Ça aussi, ça relate presque à ce qu'on dit à cette fameuse scène où le diable apparaît et dit « Tu ne vas pas survivre cette tempête ». Et la personne répond « Eh ben, je suis la tempête ». Donc en fait, c'est ça, c'est cette métamorphose. La tempête arrive et après on devient la tempête pour pouvoir le surmonter. Bien sûr. Donc il y a un nouveau message de Arnaud Fulin qui me demande si je peux vous saluer pour lui. Donc bah, je vous salue pour Arnaud du coup. Voilà. Eh bien Arnaud, je te salue en retour. Arnaud Fulin d'ailleurs qui est aussi un auteur, qui fait aussi des livres. Tout à fait, que voilà. J'ai déjà reçu d'ailleurs dans une émission. Ah, et ben voilà. Ouais. Et que je connais assez bien, parce qu'on s'est déjà vu dans différents salons du livre, etc. Oui. etc. Donc comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cette émission. Il est 14h presque 55. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé? En fait, mon lieu de travail, à Les Voivres, ça s'appelle La Voûte, c'est une maison d'artistes et d'artisans. Et je suis désormais là-bas, c'est-à-dire que j'ai mon atelier de travail à l'étage. Et en bas, il y a une grande salle d'exposition et de vente. Donc, faites un tour si vous pouvez aller, parce que ça vaut vraiment le détour. Il y a beaucoup de stands de divers artistes et artisans, avec de très très belles choses. Il y a mon stand aussi, donc on peut se procurer mes travaux là-bas. La voûte est ouverte de mercredi à dimanche, toujours les après-midi à 13h30 jusqu'à 18h30. Et parfois, on peut m'y rencontrer aussi dans mon atelier de travail. Si vraiment vous voulez être sûr de me rencontrer, on peut carrément faire un rendez-vous. Dans ce cas-là, il vaut mieux me contacter avant pour être sûr que je sois là. Mais voilà, de toute façon, faites un tour à la voûte, ça vaut vraiment le coup. Vous trouverez tous les titres disponibles actuellement et vous découvrirez bien d'autres artistes et artisans. Bien sûr, de toute façon, je mettrai tous les liens utiles pour vous retrouver. D'accord. Donc, l'adresse de ce lieu, votre adresse mail, si on veut vous contacter. Oui. Votre numéro de téléphone également. J'aime pas trop parce pas que. Oui, j'ai déjà trop d'appels comme ça. Voilà. Alors, adresse mail, votre site internet. Voilà, et puis, ça par contre. Oui, et l'adresse oui. de l'atelier, du coup. Oui. Voilà, oui, ça marche. Voilà, oui. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte? Non, enfin, juste dire que j'étais très contente d'être revenue ici. Ça fait toujours un très grand plaisir et j'espère que peut-être à une prochaine fois avec de nouvelles aventures, de nouveaux titres à présenter et puis une meilleure santé. Voilà. Bien sûr. Oui. Voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite du coup. Voilà. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquensive. Donc là, c'est à mon tour de vous remercier du coup, Diana, d'avoir accepté mon invitation. Et du coup, j'en profite pour remercier Kylian et Théo d'être venus assister à cette émission. Merci. Aussi. Merci de nous avoir accueillis. Voilà. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci. Voilà, avec plaisir. Et donc cette émission sera rediffusée demain mardi à 18h avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook demain dans la journée. Si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail, si vous voulez la récupérer, la partager, etc. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Car bientôt, on sera ravis de vous répondre et d'échanger avec vous. On aime être proche de nos auditrices et auditeurs. En attendant, je vous laisse avec Gérard et Cellulé 60 d'ici quelques minutes à 15h, qui nous parlera de Chuck Berry, guitariste, chanteur et auteur-compositeur américain, qui a été actif de 1953 à sa mort en 2017. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Chuck Berry a été un des pionniers du rock'n'roll. Voilà. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mardi, à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux Muriel d'ailleurs, chanteuse. Voilà. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo, et du coup je vous dis à demain. Donc salut et à demain. Merci. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.